On ne peut pas cuisiner suite à des problèmes, mais nous n'avons aucun moyen. On ne peut pas aller travailler, on reste tout près de nos biens. Il peut y avoir d'occasions où les enfants obtiennent de quoi manger. S'ils en manquent, ils restent comme ça. Car avoir 4 enfants, par exemple, et manquer le logement, pour eux, c'est un grave problème. Il y a des moustiques partout dehors. On a de gros problèmes. Nous avons nos propres logements et ils nous ont mis sans même nous montrer où on peut aller avec nos enfants. Maintenant, nous sommes dans les rues alors qu'auparavant, nous avions nos propres maisons. Cette famille demande d'être écoutée. Nous demandons au gouvernement et surtout au président de la République de penser à nos enfants. Nous sommes des Burundais, des citoyens patriotes. Nous aimons notre nation. Que toute personne pouvant aider dans cette affaire fasse son possible pour nous venir en aide. Nos enfants sont en train d'être piqués par les moustiques. Nous n'avons pas où aller, pas même d'argent pour le loyer. Ntaho dufise tujya nta namahere gupanga tugira rero turasabye kugira ngo leta twitwararike nk'umuvyeyi hama kugira ngo dushobore kuronka ubundi burara. Cette famille est l'une des 23 ménages qui ont déménagé mardi de cette semaine de la semaine passée à Gasenyi. Leur maison a été démolie sans avoir bénéficié des indemnisations. Merci Pascal Nyoyangonze pour ce reportage. Et dans une déclaration publiée par la Cour anticorruption élue vendredi à la Radio-Télévision nationale du Burundi, l'on fait savoir que le principal accusé dans le détournement des indemnisations qui étaient destinées à ses déshérités de Gasenyi a déjà été arrêté et se trouve sous interrogatoire au parquet près la Cour anticorruption. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. En actualité internationale, pour Mike Pence, le vice-président américain, toutes les options sont sur la table pour régler le problème nord-coréen. Lors de sa visite en Corée du Sud ce lundi, il a précisé qu'il voulait tout de même privilégier la négociation. Et au Mali, les syndicats du secteur de la santé ont levé ce dimanche leur mouvement de grève illimité. Mireille Kanyang. Débutons cette actualité internationale par le Mali, où les syndicats du secteur de la santé ont levé ce dimanche leur mouvement de grève illimité, un mouvement lancé le 9 mars et qui a paralysé hôpitaux et centres de santé publics. Selon le journal Jeune Afrique, citant l'agence France Presse, le secrétaire général adjoint du syndicat national de santé au Mali a confié à l'agence France Presse que sur 9 points de revendication, ils ont 8 points d'accord et un point sur lequel ils ont passé un accord partiel. Toutes les options sont sur la table pour régler le problème nord-coréen, écrit le journal Le Monde, citant le vice-président des États-Unis d'Amérique, Mike Pence. Lors de sa visite en Corée du Sud ce lundi, le premier vice-président américain a précisé qu'il voulait tout de même privilégier la négociation. Les États-Unis, écrit toujours Le Monde, n'excluent aucune option pour régler le problème des programmes balistiques et nucléaires nord-coréens. Une déclaration du vice-président américain lors d'une visite dans la zone démilitarisée séparant les deux Corées où avait été signé le cessez-le-feu de 1953. Le journal Le Monde revient également pour faire une analyse sur le référendum en Turquie de ce dimanche. Il s'interroge sur les enjeux de la réforme constitutionnelle. Ce journal écrit que si ce texte était validé par le référendum de ce dimanche, le chef d'État Recep Tayyip Erdogan pourrait rester au pouvoir jusqu'en 2029. Merci Mireille Kanyang et c'est la fin de ce journal. Il est 13h, bientôt 10 minutes à Bujumbura. J'en rappelle les grandes articulations avant de nous séparer. Antime Baransakage, du nom de celui qu'il est convenu d'appeler l'icône du tambour burundais, a été enterré ce lundi à Gitega, sa province natale. Beaucoup d'honneurs lui ont été réservés par le gouvernement qui s'est fait représenter par le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Et un des membres de la commission qui a été chargé des indemnisations des familles se trouvant dans le périmètre du nouveau palais présidentiel à Gasenyi est sous interrogatoire au parquet près la cour anti-corruption. Il aurait détourné d'importantes sommes d'argent. Et le ministre de l'Intérieur vient de mettre en place un cadre permanent de dialogue entre les partis politiques, les confessions religieuses et les organisations de la société civile. Et c'est une des principales réalisations de ce ministère pour le premier trimestre de cette année. Et au sport, 3 formations de football évoluant en première division, à savoir Lydia Lydic, Atlético Olympique et Vitalo rivalisent pour la première place du championnat en cours.